Chapitre 11e, les deux princes. Le docteur et le prince s'en allèrent. Certains de pincer le détective s'il lui prenait fantaisie de revenir dans cette maison. Et il croyait fermement que Paulin Broquet reviendrait. De fait, il ne se trompait pas. Paulin Broquet, pendant que dans la cave il disposait contre lui cet infernal Turat, se préparait à une prochaine excursion dans les sous-sols de la baleine. « Il faut, disait-il à Gabriel, qui devait l'accompagner, que nous puissions voir s'il n'y aurait pas dans ces divers couloirs la facilité de tomber en masse, au moment d'une réunion des aides, et de prendre Zygomar, tout son conseil, toute sa bande. J'ai toujours rêvé d'un coup de filet de ce genre. Chef, ce serait superbe. Oui. Nous irons étudier cela tous les deux, dans un ou deux jours. Mais nous descendrons à la baleine non plus dans la nuit, parce que maintenant ils doivent se méfier et prendre des précautions, mais en plein jour, quand nous ne risquerons pas tous deux de tomber dans une assemblée. Bien, chef. » Ainsi le piège attendait, et Paulin Broquet, contre qui la mâchoire infernale ayant pour dents les épées baïonnettes était armée, s'apprêtait à se jeter, nous pouvons le dire, dans la gueule du loup. Mais avant d'arrêter le jour où cette expédition se ferait, Paulin Broquet voulait achever de compulser le dossier concernant le prince Grigoriski et le compléter avec des documents nouveaux, des renseignements aussi exacts que possible. Depuis qu'il avait saisi au vol le nom du prince Grigoriski au cours de l'altercation au bois de Boulogne entre Miss Eden et la femme aux cheveux teints, la belle Flore, Paulin Broquet, mis en éveil, cherchait tout ce qui se rapportait à cet homme. Il fouillait dans les rapports de police internationale, dans les notes concernant les étrangers de marque séjournant en France. Et il avait vu, dans des papiers qu'il avait choisis, des documents du plus haut intérêt pour lui. L'histoire de la famille du prince Grigoriski y était tout au long consignée. La division qui coupa en deux cette famille et fit qu'une partie se retira dans ses domaines de Pologne, tandis que l'autre la poursuivait de sa haine, y était expliquée avec plus de détails que n'en rappela le général Sobarov dans son débat avec le prince. Paulin Broquet vit que si la branche aînée des Grigoriski demeura fidèle aux traditions de la famille, à la patrie démantelée, l'autre, comme nous le savons, passa du côté des vainqueurs et se mit au service des oppresseurs. Il vint sans dire que cette branche ne possédait pas, et loin de là, la grande fortune de la branche aînée. Les Grigoriski, traîtres à la patrie polonaise, comptaient que le tsar récompenserait leur adhésion à son gouvernement, en leur octroyant des biens des parents honnis. Mais il est des actes que les gouvernements les plus autocrates, les plus dépourvus de scrupules, n'osent pas commettre. Et les Grigoriski, devenus russes, voyaient chaque jour s'accroître leur haine et leur désappointement. La venue à Varsovie du général Sobarov raviva leurs espoirs. Il n'y avait plus à ce moment que le prince Grigoriski, père du prince actuel, et le prince Grigoriski, époux de la divine Johanna et père de la délicieuse Amédéa. Après l'exécution du prince, les biens du prétendu rebelle demeurèrent quelque temps avant d'être officiellement partagés et attribués selon les règles habituelles. Les mandataires du tsar, chargés de faire cette répartition, comptaient la traîner en longueur et tirer tout ce qui serait possible à leur profit. C'était l'exploitation en grand, la prévarication dans toute sa magnificence. Le prince, le père de celui qui nous intéresse, était veuf. Il pensa qu'en devenant le mari de la jeune veuve, dont depuis longtemps il était fort épris, qu'en devenant l'époux de la cousine dont il avait fait tuer le mari, il simplifierait les choses. Mais il comptait sans l'horreur obstinée de la jeune veuve, sans la répulsion instinctive qu'elle éprouvait pour lui. Alors, il voulut employer un moyen qui lui réussissait alors, la trahison, la violence. Mais là encore, il joua de malchance, comme nous le savons, et fut tué par ses propres sbires. Restait son fils. Le jeune prince, sans grande fortune, élevé dans un milieu de dissipation et de vice, essaya bien de poursuivre les revendications de son père. Comme le tsar ne lui donnait pas satisfaction, et qu'il déclara le général Sobarov le détenteur illégal d'un bien qui lui appartenait, il voua une haine féroce au général et par là même au gouvernement du tsar. Mais il s'attaquait à forte partie. Le général Sobarov n'était pas un homme qu'on pût longtemps tracasser. il suscita un complot, plus ou moins vrai, contre le tsar. Dans ce complot, préparé, il n'y eut aucun doute possible, par des agents provocateurs à la solde du général, le prince Grigoriski fut compromis. Et il put considérer que le ciel faisait pour lui un miracle, en lui épargnant la corde, qui suspendit quelques-uns des conjurés, les fers et la Sibérie, qui recueillirent d'autres malheureux. Plusieurs de ceux-ci n'étaient pour rien dans tout cela, mais ils gênaient Sobarov pour des raisons quelconques. Le jeune prince parvint à fuir. Il quitta la Pologne le plus vite possible et se réfugia à l'étranger. Il voyagea, et guéri par cette alerte de toute revendication politique, il se contenta de mener la vie du désœuvré, du joueur, du pilier de cercle. On finit par perdre sa trace. On ne le retrouva que quelques années plus tard, quand la police découvrit des fanatiques de l'ignoble et terrible vice chinois. Le prince Grigoriski fut pris au cours de descente dans des fumeries d'opium clandestines. On l'arrêta à Toulon, puis à Cherbourg, puis enfin à Paris. À ce moment, il offrait le type complet du fumeur d'opium. C'était un parfait abruti, maigre, hâve, aux membres décharnés, n'obéissant plus. Il n'avait ni volonté, ni pensée, ni désir. C'était un cadavre ambulant, répugnant, qui ne respirait plus que pour son vice abject. Puis il disparut encore. Les uns dirent que des membres de sa famille l'avaient recueilli pour le soigner, le guérir. D'autres prétendaient qu'il avait fini misérablement, s'éteignant dans un bouge infâme. « Bon, » fit Paulin Broquet, lisant ses notes. « Aujourd'hui, voici qu'un nouveau prince Grigoriski apparaît, beau, superbe et vivant, et taillé en Hercule. Le prince a bien changé depuis sa dernière pipe. » Paulin Broquet savait parfaitement qu'un homme étreint par cette dégradante passion de l'opium ne parvient que très difficilement à se corriger. Quand il est temps, encore, mais que c'est un homme perdu, lorsqu'il arrive au degré d'abrutissement, de déchéance où était parvenu le prince au moment des dernières arrestations. « Donc, se dit-il, pour que nous ayons maintenant un prince Grigoriski de cette allure, il faut que ce soit ou un fils de la princesse Johanna, or elle n'a qu'une fille, Amédéa, ou un autre prince, Grigoriski. » Paulin Broquet s'arrêta à cette dernière hypothèse. Il s'y arrêta d'autant plus que le hasard lui rendit le signal et service de lui faire rencontrer cet excellent docteur Huger en compagnie de son cher ami le prince Grigoriski. Déjà le simple mot de la belle Flore, de la femme rousse, disant à Miss Hidden qu'elle était la maîtresse du prince Grigoriski, avait éveillé les soupçons du détective. Le prince, se dit-il, maintenant convaincu du fait, est Zigomar. C'est une nouvelle incarnation de Zigomar. Mais le prince vivait son personnage de prince au vu et au su de tout le monde. Il bravait en quelque sorte Paulin Broquet. C'est donc, se dit le détective, qu'il est bien armé et qu'il a pu réunir assez de preuves, de documents, pour se sentir suffisamment fort dans ce nouveau personnage. Paulin Broquet pensa qu'avant de mettre la main au collet du prince, qui d'ailleurs ne se laissait pas approcher, il fallait découvrir ce qu'était devenu l'autre, l'ancien, le vrai prince, le malheureux fumeur d'opium. Cela lui demanda plusieurs jours, pendant lesquels le prince Grigoriski actuel continuait sa vie brillante. Paulin Broquet ne découvrit nulle part mention du décès du prince Grigoriski, ni même de son passage dans un asile, un hôpital, une maison de convalescence ou de retraite. « Donc il n'est pas mort, » pensa-t-il, « à moins qu'il ne soit allé mourir à l'étranger. Mais je doute qu'en l'état de délabrement dans lequel il se trouvait alors, il ait pu songer à quitter la France. » Et il ajouta, « Je vais charger l'amorce de me dénicher ce bel oiseau. » Selon son habitude, quand un nouveau problème se posait à lui, il alla s'étendre sur son canapé et se mit à fumer ses éternelles cigarettes, tout en suivant les volutes bleuâtres qui montaient lentement vers le plafond. « Le problème est celui-ci, » se dit-il, « amasser des preuves palpables, indéniables, de culpabilité contre Thom Tuick et son ami, le prince Grigoriski. En ce moment, je n'ai rien. Il faut que je les prenne dans la baleine. Ce n'est pas commode. Ou que j'aie assez de matériaux en main pour les cueillir chez eux. » Sa cigarette touchait à sa fin quand, brusquement, il se leva. « Voilà mon plan, » s'écria-t-il. « Il y a ici un homme qui va pouvoir me dire ce qu'est devenu le prince Grigoriski. C'est le général Sobarov. Oui. Le général a tout intérêt à ne pas perdre de vue le fils de son ami et complice. Le général, ancien chef de la police moscovite, doit être au courant. À moi, il donnera tous les renseignements que je voudrais. Paulin Broquet, quand il jugeait une idée bonne, se hâtait de la mettre à exécution. Il avait une maxime qui lui tenait lieu de règles de conduite souvent. Les idées, prétendait-il, sont comme les remèdes qu'il faut se hâter d'employer pendant qu'ils guérissent. Les idées doivent être utilisées, réalisées pendant qu'elles sont bonnes. Alors, pour ne pas donner le temps de s'éventer aux idées qui venaient de surgir en son cerveau, Paulin Broquet sonna son fidèle domestique et se fit apporter son chapeau et sa canne, pendant qu'il passait une jaquette et se mettait en tenue de ville. À tout hasard, il glissa un bon revolver dans sa poche. Et peu après, dans la voiture que conduisait avec une adresse merveilleuse ma pipe, il se rendait rue de Grenelle. Au moment où il approchait de la demeure du général et allait donner à ma pipe l'ordre de stopper, il aperçut une auto de grand luxe qui venait en sens inverse et ralentissait pour s'arrêter enfin devant la porte de l'hôtel Sobarov. « Marche toujours, mais doucement, » corna-t-il à ma pipe. Ma pipe avait compris. Il continua sa marche, mais en ralentissant autant que possible, sans toutefois laisser trop paraître ce ralentissement, qui eût pu sembler anormal et étonner les gens que contenait l'autre automobile. Il se trouva presque à côté de l'auto au moment où elle s'arrêtait devant la porte du général. Paulin Broquet, cela sans dire, avait depuis longtemps des renseignements très précis, très nombreux, sur le général Sobarov. L'ancien gouverneur de Varsovie, l'ancien général commandant de la police russe, ne pouvait venir s'installer à Paris sans que le gouvernement français en fût informé, sans que la police en eût souci. Car une tentative de terroristes, de réfugiés, de gens enfin ayant à se venger de cet homme qui avait laissé partout où il passait de si terribles souvenirs, était toujours à craindre. Paulin Broquet donc savait quelle était l'humeur du vieux général. Il connaissait sa façon de vivre, sa retraite absolue. « Oh oh ! » fit-il en apercevant l'auto. « Des visiteurs, dans cette maison. Des gens qui viennent chez ce sanglier, cet ours russe, c'est étrange. » Il eut le temps de voir le visiteur descendre de l'auto. « Parbleu ! Il n'y a que lui qui puisse venir. » L'auto du détective, continuant cependant sa route, passa à côté de l'auto du prince. Paulin Broquet put aisément lancer un coup d'œil dans cette voiture. Elle contenait un second personnage. Cet homme, assis dans un coin, près de la portière ouverte par laquelle venait de descendre le prince, suivait avec intérêt son compagnon, qui sonnait maintenant à la porte du général. Il ne s'occupa point de l'auto qui croisa la leur. Paulin Broquet put donc, dans ces quelques secondes, parfaitement voir cet homme. Il portait un vaste chapeau haute forme, qui certes, comme ses effets amples et de coupe surannée, ne sortait pas d'une maison parisienne. Le chapeau lui entrait assez bas sur le front et mettait l'ombre de ses larges ailes sur une partie de son visage. Une barbe longue et roussâtre couvrait le reste. Cependant, Paulin Broquet, avec sa grande habitude de reconnaître les gens, même dans les déguisements les plus imprévus, put nommer le compagnon du prince Grigoriski. « Thom Twig !» C'est Thom Twig en docteur Huger, le savant du boulevard de Port-Royal. Alors, Paulin Broquet se mit à sourire. Phil, corna-t-il à ma pipe. Puis, quelques moments après, il lui donna l'ordre de stopper. Quand la portière s'ouvrit, ce ne fut pas Paulin Broquet qui descendit, mais un très digne, très respectable gentilhomme. Pour se rendre chez le général, Paulin Broquet avait abandonné son costume habituel, son veston, son chapeau melon. Il était, nous le savons, en tenue de visite très correcte. Pour modifier cette tenue et en faire en quelque sorte un déguisement, Paulin Broquet eut peu de choses à y changer. Sa voiture, nous le rappelons, contenait de quoi se maquiller, se transformer. Paulin Broquet ajouta simplement à sa tenue de visite quelques accessoires. Il changea de cravate, mit une sorte de plastron blanc dans lequel il piqua une épingle ancienne. À sa boutonnière, il passa une rosette à raies blanches et jaunes, rappelant la décoration papale. Sur ses bottines vernies, il plaqua deux guêtres claires. Une perruque à cheveux gris, soigneusement partagée derrière, venait devant et sur les côtés rejoindre des favoris blancs, descendant jusqu'au menton et reliés par une moustache blanche. Des gants mastiques, un monocle retenu par un large cornon de moire. Et Paulin Broquet, marchant au petit pas de ses jambes un peu raides et légèrement cintrées, donna l'illusion absolue d'un de ces bons gentilshommes qui habitent dans ce quartier, comme en un coin de province planqué dans Paris, vivant en dehors du mouvement, n'y croyant pas, ne voulant pas l'admettre, ne connaissant rien en dehors de leur cercle très fermé, maudissant sincèrement le gueux de régime et attendant en soupirant la venue du roi. Du roi qui serait quelque peu leur cousin, car il est entendu qu'un bon gentilhomme de ce genre a dans les veines une goutte de sang de Henri IV, le Béarnais, grâce à une charmante aïeule, ventre saint gris. Descendant de voiture, le vieux gentilhomme dit à ma pipe « Fais le tour, va m'attendre à l'autre bout de la rue. » Puis, appuyé sur sa canne de jonc à bec de corbin, il se mit à arpenter de son pas menu le macadam, daignant fouler de ses semelles aristocratiques la poussière municipale de ce qui fut jadis Paris, la bonne ville. Il allait, cédant, comme l'exigeait l'ancienne étiquette, désuète hélas de nos jours, le haut du trottoir au prêtre qu'il croisait, et saluait courtoisement, tout en regardant avec son monocle les accortes camériste qui passaient, et dont le tablier clair laissait bondir dans ses veines bleues, mais sclérosées, la goutte béarnaise. Il descendait le trottoir voisin de celui sur lequel donnait la porte de l'hôtel Sobarov. Ainsi, il eut le loisir de se rendre compte que le prince Grigorievski était admis, ou plutôt entré presque de force, chez le général. Et Paulin Broquet se dit « Ça va bien, ça va très bien. Le prince Grigorievski chez le général, que va-t-il se passer? Ce sera très intéressant. » Mais il ajouta « Comme je prévois que l'entrevue sera très mouvementée, il vaut mieux ne pas aller aujourd'hui demander au général des renseignements sur son visiteur. » Il regagna son auto et cessa d'être le vieux gentilhomme. « Je reviendrai demain, » se dit-il. Paulin Broquet fut pris par diverses occupations pendant 2 ou 3 jours. Mais l'amorce et Gabriel, tour à tour, vinrent surveiller la porte du général pour voir si le prince rendait visite au général. Ce fut en vain. Aucun des lieutenants n'aperçut le prince. « Ah, hein !» fit Paulin Broquet. « Est-ce que le général aurait enlevé au prince Grigorievski toute envie de revenir ? Ou le prince a-t-il obtenu satisfaction ?» Puis il se dit « Non. Si le prince était bien le prince Grigorievski, ce serait admissible. Le général aurait pu le chasser. Mais c'est impossible que le prince saisit Gomard et qu'entre lui et le général, il y ait quelques millions en jeu, que l'un veut avoir et que l'autre tient probablement à garder. »